On était luthier de père en fils. Et puis alors, pendant la guerre de 18, de 14, n'est-ce pas? Mon père était aux armées, comme tout le monde, comme tous les hommes. Mais j'avais deux frères, l'aîné que vous avez vu, puis un autre qui est mort. Ils étaient tous les deux dans la lutherie. Ma mère me dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'avais mon certificat d'études, j'avais à peine 12 ans. Il n'y a pas grand-chose ici, vous savez, hein, à part la lutherie à l'époque. Alors, ben, tire avec tes frères. On a été trouver M. Mougenot, il a été trouver M. Mougenot. Eh ben, vous me l'enverrez le gamin, là, tu dis, puis ça faisait comme ça, j'étais.